Gustave Flaubert, George Sand. Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Adaptation, Hélène Bleskin. Deuxième épisode. L'année 1867. Leur amitié se déploie. Flaubert à Croisset écrit ce qui deviendra l'éducation sentimentale. Sand à Nohant termine Cadio, qui sera publié dans la Revue des Deux Mondes. Croisset, 6 janvier 1867, dimanche. Eh bien, cher maître, je n'ai pas de vos nouvelles depuis longtemps. Je m'ennuie de vous et je suis inquiet, voilà. La dernière fois que vous m'avez écrit, vous étiez malade. L'êtes-vous encore ? Je vous embrasse, en attendant quelques lignes de votre chère écriture. Votre vieux Gustave Flaubert. Paris, 9 janvier, au soir. Cher camarade, ton vieux troubadour a été tenté de claquer. Il est toujours à Paris. Ce n'était rien qu'une impossibilité momentanée de digérer quoi que ce soit. Je médite d'aller un peu dans le midi quand j'aurai vu mes enfants. Les plantes du littoral me trottent dans la tête. Je crois bien que je ne dois pas vivre longtemps, toute guérie et très bien que je suis. Je tire cet avertissement du grand calme, toujours plus calme, qui se fait dans mon âme jadis agitée. Et ce roman, marche-t-il ? La solitude ne te pèse pas ? Il y a de l'anachorète quand même dans ta vie et j'envie ta situation. Moi, je suis trop seule à Palaiseau, pas assez seule à Nohant avec des enfants que j'aime trop pour pouvoir m'appartenir. Je t'embrasse de tout cœur, cher ami. Rappelle-moi à ta chère famille et écris-moi à Nohant. Ça me fera du bien. Croisset, nuit de samedi 12-13 janvier. Non, cher maître, vous n'êtes pas près de votre fin. Tant pis pour vous peut-être, mais vous vivrez vieille, et très vieille, comme vivent les géants. Seulement, il faut se reposer. Allez donc un peu comme vous en avez envie, au bord de la Méditerranée. L'azur détend et retrempe. Me traiter d'anachorète est peut-être une comparaison plus juste que vous ne croyez. Je passe des semaines entières sans échanger un mot avec un être humain. Les nuits sont noires comme de l'encre et un silence m'entoure, pareil à celui du désert. La sensibilité s'exalte démesurément dans un pareil milieu. J'ai des battements de cœur pour rien, chose compréhensible du reste, dans un vieil hystérique comme moi. Car je maintiens que les hommes sont hystériques, comme les femmes, et j'en suis un. Tout cela résulte de nos jolies occupations. Voilà ce que c'est que de se tourmenter l'âme et le corps. Mais si ce tourment-là est la seule chose propre qu'il y ait ici-bas. Soignez-vous bien. Un peu pour l'amour de votre vieux Gustave Flaubert. Nohant, 15 janvier. Je reçois ta lettre ce matin, cher ami de mon cœur. Pourquoi je t'aime plus que la plupart des autres, même plus que des camarades anciens et bien éprouvés? Eh bien voilà. On se fait, étant vieux, dans le soleil couchant de sa vie, une notion nouvelle de toute chose, et de l'affection surtout. Dans l'âge de la puissance, on tâte l'ami comme on tâte le terrain, au point de vue de la réciprocité. Mais quand on s'enfuit l'intensité du moi, on aime les personnes et les choses pour ce qu'elles sont par elles-mêmes et nullement pour ce qu'elles apporteront en plus à votre destinée. Cette solitude où tu vis me paraît très délicieuse avec le beau temps. En hiver, je la trouve stoïque et suis forcée de me rappeler que tu n'as pas le besoin de la locomotion. Mais il ne faut pas prolonger cela indéfiniment. Vrai, cher ami ? Pense à la vie du corps qui se fâche et se crispe quand on la réduit trop. Qu'est-ce que c'est aussi que d'être hystérique ? N'est-ce pas un malaise, une angoisse, causée par le désir d'un impossible quelconque ? En ce cas, nous en sommes tous atteints de ce mal étrange quand nous avons de l'imagination. Et pourquoi une telle maladie aurait-elle un sexe ? Si je ne guéris pas, j'irai à Cannes. Mais je ne peux pas encore en ouvrir la bouche à mes enfants. Quand je suis avec eux, ce n'est pas aisé de bouger. Il y a passion et jalousie. Et toute ma vie a été comme ça. jamais à moi. Plains-toi donc, toi qui t'appartiens. Croissez, 23-24 janvier, nuit de mercredi. J'ai suivi vos conseils, cher maître. J'ai fait de l'exercice. Dimanche soir, à 11h, il y avait un tel clair de lune sur la rivière et sur la neige que j'ai été pris d'un prurite de locomotion et je me suis promené pendant 2h30. Quand la marée est venue et a fait craquer les glaçons de la Seine, c'était superbe. Alors j'ai pensé à vous et je vous ai regretté. Je me demande moi aussi pourquoi je vous aime. Est-ce parce que vous êtes un grand homme ou un être charmant? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que j'éprouve pour vous un sentiment particulier et que je ne sais pas définir. Vous m'écrivez de belles choses sur l'affection désintéressée. Cela est vrai, mais le contraire aussi. Mon moi m'assomme pour le quart d'heure. Il écrit trop lentement. Vous devriez bien me donner une recette pour aller plus vite. Vous savez que vous ne m'avez pas dit ce que vous aviez comme maladie. Je vous envoie mes meilleures tendresses. Nohant, 27 janvier 1867. Je ne suis plus malade, ou du moins je ne le suis plus qu'à moitié. Tout est en bon état. Mais quelque chose qu'on appelle anémie, effet sans cause saisissable, dégringolade qui depuis quelques années menace. Mais tout se remet et je travaille. Ah, partir tout de suite pour les pays du soleil. Mais je n'ai pas d'argent et d'ailleurs je n'ai pas le temps. Si je ne peux pas aller à Paris le mois prochain, ne viendrais-tu pas me voir ici? On sonne la représentation. Maurice nous régale ce soir des marionnettes. C'est très amusant. Et le théâtre, si joli. Un vrai bijou d'artiste. Que n'es-tu là? C'est bête de ne pas vivre porte à porte avec ceux qu'on aime. Croisset, 6 février 1867, mercredi. D'abord parlons de vous. De l'anémie. Je crois bien. Il faut boire du fer, se promener et dormir, et aller dans le midi, quoi qu'il en coûte. Je peux, sans que ça me gêne de rien, vous prêter 1000 francs si vous en avez besoin pour aller à Cannes. Je vous fais cette proposition carrément, pas de cérémonie. Je vous ai regretté tantôt. Les marées sont superbes, le vent mugit, la rivière blanchit et déborde, elle vous a des airs d'océan qui font du bien. Adieu. Je vous embrasse comme je vous aime. Très tendrement. Nohant, 8 février. Je t'embrasse pour cette bonne pensée et je n'accepte pas. Je ne suis pas en état de partir. Je suis retombée ces jours-ci. À présent, je suis sur pied, mais faible. Je t'avoue que je n'ai pas l'énergie de vouloir vivre. Sur ce, bonsoir. Dieu que je suis veau! Je te laisse le titre de vache que tu t'attribues dans tes jours de lassitude. Dis-moi quand tu seras à Paris. Croisset, 12 février, mardi. Je serai à Paris vers la fin de la semaine prochaine. Soignez-vous pour nous. Je vous embrasse. Certainement, j'emploie le mot vache à mon usage. J'ai même inventé le verbe vacher. Je vache, tu vaches. Mais le plus beau, c'est l'impératif. Vachons. Nohant, 4 mars. L'ami de ton cœur, le vieux troubadour, se porte comme 10 000 hommes qui se portent bien. Et il est gai comme un pinson, puisque de nouveau le soleil brille. Et la copie marche. Paris, 5 mars, mardi 4 heures. Je suis tout réjoui de vous savoir que vous allez bien, mais il ne faut pas s'éreinter de travail. Dès que vous serez à Paris, donnez-moi un rendez-vous. Et nous en prendrons un autre pour dîner seul à seul, les deux coudes sur la table. Nohant, 14 mars. Ton vieux troubadour a encore été sur le flanc. Il ne pourra pas être à Paris le 16 comme il en avait l'intention. La petite Aurore me console de ce contretemps. Elle gazouille comme un oiseau. Il fait chaud et moite. On ne peut pas casser sa guitare par un temps comme ça. À bientôt, cher ami. Paris, 22 mars. Ton vieux troubadour est ici, pas trop patraque. Il trotte, il t'embrasse. Paris, 23 mars, samedi 11h. Enfin, on va donc se voir. Je n'irai pas lundi prochain chez Mani parce que j'ai une grippe dégoûtante. Mais qui nous empêche de dîner chez moi mercredi ou jeudi prochain? À bientôt, cher maître. Nohant, 11 avril. Me voilà revenue dans mon nid et remise à peu près d'un gros accès de fièvre. Vraiment, ton vieux troubadour a la santé folle depuis 6 mois. Ça ne fait rien, il en revient encore, et voit encore fleurir les arbres et les herbes. Et cette vilaine grippe est-elle passée? Et le roman? Quand tu as le temps, souviens-toi de ton vieux camarade, et dis-lui en 2 lignes que tu te portes bien. Paris, 13 avril, samedi. Cher maître, vous devriez aller voir le soleil quelque part. Voyagez donc. La résignation est la pire des vertus. J'aurais besoin d'en avoir pour supporter toutes les bêtises que j'entends dire. La France me paraît maintenant avoir une paralysie du cerveau. On est idiot de peur. Peur de la Prusse, peur des grèves, peur de tout. Il faut remonter jusqu'en 1849 pour trouver un pareil degré de crétinisme. Au reste, je ne deviens pas facile à vivre. Loin de s'émousser, ma sensibilité s'aiguise. Un tas de choses insignifiantes me font souffrir. Pardonnez-moi cette faiblesse, vous qui êtes si forte et si tolérante. Le roman ne marche pas du tout. Je suis plongé dans la lecture des journaux de 48. Certainement, j'irai à Nohant. Mais quand revenez-vous à Paris? 1000 tendresses. Paris, 6 mai, lundi soir. Je m'ennuie de n'avoir pas de vos nouvelles, cher maître. Que devenez-vous? J'ai été 2 fois à l'exposition universelle. Cela est écrasant. Il y a des choses splendides et extra-curieuses. Mais l'homme n'est pas fait pour avaler l'infini. Il faudrait savoir toutes les sciences et tous les arts pour s'intéresser à tout ce qu'on voit dans le champ de Mars. On se sent là, très loin de Paris, dans un monde nouveau. Il est un monde énorme qui est peut-être celui de l'avenir. Je vous embrasse tendrement. Nohant, 9 mai. Cher ami de mon cœur, je vais bien. Je travaille, j'achève Cadio. Il fait chaud, je vis, je suis calme et triste. Je ne sais guère pourquoi. Enfin, si je peux finir le Cadio auquel je suis attelé sous peine de n'avoir plus de quoi payer mon tabac et mes souliers, j'irai t'embrasser avec Maurice. On s'est replongé dans l'histoire naturelle. Eh bien, ces études-là sont de véritables pieuvres qui vous enlacent et qui vous ouvrent je ne sais quel infini. Tu demandes si c'est la destinée de l'homme de boire l'infini? Ma foi, oui, n'en doute pas. C'est sa destinée, puisque c'est son rêve et sa passion. Je t'assure qu'il n'y a qu'un plaisir, apprendre ce qu'on ne sait pas, et un bonheur, aimer les exceptions. Donc, je t'aime, et je t'embrasse tendrement, ton vieux troubadour. Paris, 17 mai. On ne parle plus de la guerre. On ne parle plus de rien. L'exposition seule occupe tous les esprits, et les cochers de fiacre exaspèrent tous les bourgeois. Axiome. La haine du bourgeois est le commencement de la vertu. Moi, je comprends dans ce mot de bourgeois les bourgeois en blouse comme les bourgeois en redingote. C'est nous, et nous seuls, c'est-à-dire les lettrés, qui sommes le peuple, ou pour parler mieux, la tradition de l'humanité. La bêtise et l'injustice me font rugir. Comme c'est triste de ne pas vivre ensemble, cher maître. Je vous admirais avant de vous connaître. Du jour que j'ai vu votre belle et bonne mine, je vous ai aimé. Votre vieux Gustave Flaubert. Nohant, 30 mai. Te voilà chez toi, vieux de mon cœur. Moi, j'ai fini Cadio. Ouf! Mes tristesses se sont dissipées. Comment va la chère mère? Et le roman? Il doit avancer, que diable! L'autre jour, il y avait ici des gens, pas trop bêtes, qui ont parlé de Madame Bovary. Très bien. Mais qui goûtait moins Salammbô. Ma belle-fille, Lina, s'est mise dans une colère rouge. Maurice a dû la calmer, et là-dessus, il a très bien apprécié l'ouvrage, si bien que les récalcitrants ont rendu les armes. L'idéal serait de vivre à longue année avec un bon et grand cœur comme toi. Mais alors on ne voudrait plus mourir, et quand on est vieux de fait, comme moi, il faut bien se tenir prêt à tout. Pense à ton vieux troubadour, qui pense à toi sans cesse. Croisset, 12 juin, mercredi soir. Cher maître, j'ai passé 36 heures à Paris pour assister au bal des Tuileries. Sans blague aucune, c'était splendide. Paris, du reste, tourne colossal. Quant au roman, il va piano. À mesure que j'avance, les difficultés surgissent. Et vous vous plaignez, vous, d'un travail qui dure 6 mois? J'en ai encore pour 2 ans au moins. Je me suis pâmé il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine que l'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes. Et il y a de la peur dans cette haine. Elle m'exaspère, moi qui suis toujours pour les minorités. Il est vrai que beaucoup de choses m'exaspèrent. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. Adieu, cher maître. Venez donc. Je m'ennuie de ne pas voir votre illustre et aimée Binette. Non, 14 juin. À propos de bohémiens, sais-tu qu'il y a des bohémiens de mer? J'ai découvert aux environs de Tamaris de grandes barques bien abritées, avec des femmes, des enfants, une population côtière, parlant une langue à part que les gens du pays ne comprennent pas, qu'ils abominent, et ils disent qu'ils n'ont aucune espèce de religion. Si cela est, ils doivent être supérieurs à nous. Je t'embrasse, mon grand vieux. Croisset, 18 juillet, jeudi. Donnez-moi de vos nouvelles. À partir de septembre jusqu'au milieu de février, je ne bougerai plus d'ici afin d'avancer l'interminable roman qui m'embête de plus en plus. Il faudra que nous réglions notre entrevue d'automne. C'est trop bête de se voir si peu quand on s'aime tant. Nohant, 6 août. Quand je vois le mal que mon vieux se donne pour faire un roman, ça me décourage de ma facilité et je me dis que je fais de la littérature saveté. J'ai fini Cadio. Il ne faut pas être normand. Il faut venir nous voir plusieurs jours. Tu feras des heureux et moi ça me remettra du sang dans les veines et de la joie dans le cœur. Aime toujours ton vieux troubadour. Nohant, 21 ou 22 août. Je voudrais que, dès à présent, tu me dises où il faut que j'aille passer 3 jours pour voir la côte normande sans tomber dans les endroits où va le monde. J'ai besoin, pour continuer mon roman, de voir un paysage de la Manche. Tu m'as dit que cette population des côtes était la meilleure du pays, qu'il y avait là de vrais bons hommes trempés. Je ne veux guère d'écrire, il me suffit de voir pour ne pas mettre un coup de soleil à faux. Comment va ta mère ? Embrasse-la pour moi, comme je t'embrasse. Croisset, 25 août, dimanche. Un endroit cocasse et qui a du cachet, c'est Cailleux, à 5 lieues au-delà du Tréport. Le sable dépasse les toits des maisons. Et les barques, comme celles des Grecs, sont tirées sur le galet. Mais pour bien voir les côtes normandes, cher maître, il faut attendre la saison normande, l'automne. Donc, si le roman ne presse pas, je vous conseille d'attendre. Vous viendrez ici et nous aviserons à faire un tour ensemble. Au vôtre, toutes mes amitiés et à vous, toutes mes tendresses. Nohant, 12 septembre. Cher vieux, oui, nous irons voir les galets le mois prochain, si tu veux. Le roman galope. En attendant, je suis encore ici, fourré jusqu'au menton dans la rivière tous les jours et reprenant mes forces tout à fait dans ce ruisseau froid et ombragé que j'adore. Et où j'ai passé tant d'heures de ma vie à me refaire après les longues séances en tête-à-tête avec l'encrier. Je pars le 16 pour Paris, le 17 à 1 heure pour Rouen et Jumièges. Passerai-je si près de toi sans t'embrasser ? Croisez 20 septembre, vendredi 3h, cher maître, je suis tout déconfit, mortifié, dupé. J'arrive de Dieppe et je trouve votre lettre. Vous êtes déjà parti de Jumièges, nous ne nous verrons donc pas ? L'air de la mer m'a retapé. Nohant, 27 octobre. Je viens de résumer en quelques pages mon impression de paysagiste sur ce que j'ai vu de la Normandie. Cela a peu d'importance, mais j'ai su y encadrer, entre guillemets, trois lignes de Salammbô qui me paraissaient peindre le pays mieux que toutes mes phrases et qui m'avaient toujours frappé comme un coup de pinceau magistral. En feuilletant pour retrouver ces lignes, j'ai naturellement relu presque tout. Et je reste convaincu que c'est un des plus beaux livres qui ait été fait depuis qu'on fait des livres. Je m'ennuie de n'avoir pas de tes nouvelles. Croisez mercredi 30 octobre. Le travail ne va pas trop mal. Je ne cache pas le plaisir que m'a fait votre petit mot sur Salammbô. Ce livre-là aurait besoin d'être allégé de certaines inversions. Il y a trop d'alors, de mais et de et. On sent le travail. Du 7 au 10 novembre, je serai à Paris. Ce qui serait gentil, ce serait de nous en revenir à Croisset ensemble. Vous savez que je vous en veux beaucoup pour vos derniers voyages en Normandie. À bientôt. Pas de blague. Je ne trouve pas ça gentil. Croisset, 3 décembre, mardi. Point de nouvelles depuis bientôt 2 mois. Pourquoi ? Je commence à être inquiet. Nohant, 5 décembre. Ton vieux troubadour est infect, j'en conviens. Il a travaillé comme un bof pour avoir de quoi s'en aller cet hiver au golfe Juan. Et au moment de partir, il voudrait rester. Il a de l'ennui de quitter ses enfants et la petite Aurore. Il souffre du froid, il a peur de l'anémie. Il a pensé à toi, car il a le travail bête et facile, et sa pensée trotte ailleurs. Toi, tu travailles pour de vrai et tu t'absorbes. Est-ce que tu ne vas pas venir à Paris ? J'y passe du 15 au 20. Est-ce que tu y seras ? Croisset, 18-19 décembre, nuit de mercredi. Cher maître, cher ami du bon Dieu, rugissons contre Monsieur Thiers. Peut-on voir un plus triomphant imbécile, un croutard plus abject, un plus étroniforme bourgeois ? Il me semble éternel comme la médiocrité, il m'écrase. Mais le beau ? Ce sont les braves gardes nationaux qui la fourraient dedans en 48 et qui recommencent à l'applaudir. Mais quelle infinie démence ! Quelle forme faut-il prendre pour exprimer parfois son opinion sur les choses de ce monde, sans risque de passer plus tard pour un imbécile ? Il me semble que le mieux est de les peindre, ces choses qui vous exaspèrent. Disséquer est une vengeance. Si on avait suivi la grande route de Monsieur de Voltaire, au lieu de prendre les petits sentiers néo-catholiques, si on avait un peu plus songé à la justice, sentant prêcher la fraternité, nous n'en serions pas là, probablement. Adieu, cher maître. Écrivez-moi. Nohant, 21 décembre. Enfin, voilà donc quelqu'un qui pense comme moi sur le compte de ce goujat politique. Ce ne pouvait être que toi, ami de mon cœur. Étroniforme est le mot sublime qui classe cette espèce de végétaux merdoïde. Oui, tu feras bien de disséquer cette âme en baudruche et ce talent en toile d'araignée. Maurice trouve ta lettre très belle. Il n'oubliera pas étroniforme, qui le charme, étronoïde, étronifère. Il me charge de t'embrasser pour le mot. Ton vieux troubadour, qui t'aime. C'était le 2e épisode de Gustave Flaubert, George Sand, Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Avec Olivier Clavry, Gustave Flaubert, Chantal Neuwirth, George Sand et la voix de Leslie Lipkins. Musique originale et piano, Quentin Sirjac. Adaptation, Hélène Bleskin. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Remerciements à Anne-Lise Signoret pour la documentation. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Laurence Courtois.